réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. C'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd ou même que tu écoutes CISM. Ben déjà, félicitations, CISM, c'est excellent. Critique de Crowd l'est tout autant. Et elle critique la foule. Je fais surtout l'observer, l'admirer, oh, me questionner parfois sur ce qu'elle fait. Mais oui, surtout, je t'apprécie quand tu es devant un spectacle, devant un groupe que tu aimes bien. Et il y aura beaucoup d'amour pour les tératologues cette semaine. Et il y a beaucoup de « et » cette semaine parce que justement, je ne suis pas toute seule en studio pour une fois. Et oui, je parle toujours de crowd et je suis toujours seule pour en discuter. Mais cette fois-ci, il y aura Mathieu Beauséjour, un ancien de CISM. Et il est une autre facette que l'individu. Fait que je vais être avec pour le début de l'émission et peut-être plus parce que il y a bien du contenu cette semaine, mais on a de la belle visite. Fait qu'on va s'en occuper comme il faut. Alors, show des tératologues à l'ESCO jeudi dernier. Et sinon, on va commencer tout de suite en musique avec du beau punk. C'est une compilation qui est sortie. Oh, je croyais que c'était cette semaine, mais avec les dates de Bandcamp, je pense que je suis juste en retard sur l'actualité. Ça s'appelle le Dictionnaire de l'Imo qui a été sorti par un fan, tout simplement, de la scène française et qui a voulu, bien cartographier ce qui se passait en ce moment, en 2016. Alors, vous avez un éventail de tous les groupes, en français ou en anglais. Et Guerre la Poubelle a mis une chanson exclusive sur cette compilation-là. La pire chose au monde, entre parenthèses, ou rien! On va aussi écouter Riot Porn. C'est un groupe que je pense j'ai vu. Je dis je pense parce qu'à Vitrola, il y a eu un spécial punk spaghetti. Drôle de spectacle. Je n'ai jamais fait de la critique de crowd. Je reviendrai sur le sujet un jour. Reste que sur un de leurs EP, il y avait une chanson en français qui s'appelle Le goût d'une matraque et je ne l'avais toujours pas diffusée. Alors, on rattrape le temps perdu. Cette chanson se retrouve sur leur album 2015. La pire chose au monde était sans cela. Riot Porn sur les ondes de la marge. Vous avez aussi entendu Guérilla Poubelle, une chanson exclusive qui se retrouve sur la compilation Le Dictionnaire de Limo. Hey! Je suis pas toute seule en studio pour cette semaine. On va dire que tu es co-animateur pour la journée, pour le moment. Mathieu, bon séjour. Salut, Jolaine, ça va? Oh, ouais, ça irait mieux si je mettais ton micro. Ah, ça prouve à quel point je suis pas habituée d'avoir du monde. Là, est-ce que tu t'entends bien? Pas du tout. Ah, c'est bol. C'est DJ Micro. Ah! Oh! Eh boy, ça aura tout pris pour chier. Ah! Merci. Un, deux, test. Ah oui, oui, là, je m'entends. Merveilleux, merveilleux. Allô, ça, allô, crowd, ça va? Attends, je vais essayer de faire une imitation de Jolaine Ruet. Ah! Vous êtes d'ailleurs critique de crowd à CISM. Ça va, la gang? C'est parfait, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Oui, je suis bien heureuse de t'avoir parce que c'est un peu à cause de toi ou grâce à toi que j'étais au spectacle des Tératologues jeudi dernier à l'ESCO. Et peut-être que les auditeurs de CISM se diront, mais pourquoi elle a juste pas jasé avec le groupe? Pourquoi elle invite Mathieu? Tout simplement parce que tu as booké le spectacle, parce que t'es une fan finie. Et ça, c'est une des choses qui me fascine le plus. Ouais, ben en fait, moi, je book un spectacle par année environ. Et c'était le spectacle cette année en 2016 que je bookais. Et ben ça a été ça le comble. Oui, on reviendra plus longuement sur la critique de crowd. Faut dire ce qui est particulier aussi, c'est les Tératologues, ça fait, on exagère sur le quart de siècle, là, ça fait 22 ans qu'ils n'avaient pas fait de spectacle. Oui, ça fait 22, oui. Parce qu'ils avaient terminé leur règne en 93, je crois. Donc, leur existence était à environ de 90 à 93. Mais c'est ça. Moi, je suis un fan fini des Tératologues. Mais les Tératologues ont jamais indiqué sur un vinyle ou sur un CD, à part sur des compilations comme Deux Solitudes ou Lâcher Lousse. Donc, les deux seuls albums des Tératologues sont disponibles uniquement en cassette, en triage très limité. Ou, heureusement, avec les internets aujourd'hui, sur YouTube. Sur YouTube, oui. D'ailleurs, le guitariste, deuxième chanteur de la formation, qui est un peu la cause de pourquoi que le groupe n'existait plus, parce qu'il habite à Barcelone, en Espagne, depuis maintenant 22 ans. Donc, et qu'est-ce qui l'a ramené à Montréal exactement cette semaine? Ben, c'est ça que là, j'ai questionné le groupe parce que moi aussi, ça m'intriguait. En fait, qu'est-ce qui l'a ramené à Montréal? C'est que son permis de conduire québécois était expiré. Donc, il fallait qu'il fasse renouveler son permis de conduire. Mais s'il conduisait pas au Québec, comme ça changeait pas grand-chose en Espagne, non? Il y avait pas un permis international? Ben, c'est ça. En fait, il fait renouveler son permis pour qu'il soit maintenant internationalisé. Donc, c'est ça le but de sa visite. Puis en même temps, ça donnait que c'est l'action de grâce, visiter la famille et pourquoi pas faire deux spectacles des Tératologues en trois jours. Faut bien mentionner aussi, oui, il y avait l'ESCO, mais il y avait aussi les Foufounes électriques, là, dimanche. Est-ce que c'était ton idée en premier de les amener à l'ESCO où ils étaient déjà bookés au Fouf, puis ensuite de ça, tu t'es dit « j'en veux plus! » Ben non, en fait, le bassiste des Tératologues jouait aussi dans la formation Les Temps Liquides, une formation que jouait beaucoup avec l'ancien groupe de mon petit frère, Philippe Beauséjour, qu'on va écouter un peu plus tard dans l'émission. Mais il jouait dans un groupe qui s'appelait Porno Robot, qui était un espèce de groupe synth-punk, électro-rock du milieu des années 2000. Et il jouait souvent avec les Temps Liquides. Et Stéphane Dussault, le bassiste des Tératologues, jouait de la basse dans les Temps Liquides. Donc voilà, et on se connaissait de là. Et il savait que j'étais un fan fini des Tératologues parce que j'en faisais jouer régulièrement à CISM. Les éboueurs du rock pour les nostalgiques ou ceux qui écoutaient CISM depuis quand même un petit bout. T'as arrêté en 2012. Ouais, j'ai fait les éboueurs du rock en soi, ça a duré 2003 à 2012. Et ben c'est ça, j'en faisais jouer religieusement et je trouve ça dommage, ben ça on veut pas trop parler tout de suite du crowd, mais je trouve ça dommage qu'il y ait pas plus de gens d'anciens qui se sont déplacés. Peut-être que les personnes qui écoutaient les Tératologues à l'époque sont peut-être un peu plus âgées maintenant, ont des enfants, donc c'est peut-être un peu plus difficile de les faire sortir, surtout pour un spectacle gratuit un jeudi soir. Mais c'est ça, moi je trouve que Tératologues sont à l'essence même de l'âme de CISM, parce que quand Lâcher Lousse 2 est sorti en 1992, c'était cette pièce-là a tourné dans le palmarès, puis elle a continué de tourner, étant donné que c'est le talk show, c'est une excellente pièce punk francophone, c'est une des meilleures pièces francophones canadiennes, même nord-américaines, même américaines de tous les temps. Donc, ouais, non, c'est ça, mais je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de gens pour le spectacle. Mais c'est quand même piqué, il faut quand même le dire, que ce soit juste des chansons qui se retrouvent sur des compilations. Et sur des cassettes. Ouais, ah, les cassettes, toujours de retour à la mode. Ouais. Lâcher lousse, en plus, la première version est quand même difficile à retrouver, qu'on se disait dernièrement, en allant dans un disquaire, il y a une réédition, puis j'en ai trouvé au moins 3 copies, retour à Lâcher lousse, là, la deuxième, je sais pas si elle va ressortir en vinyle bientôt. Ok, ah, c'est juste la première qui a été rééditée. Ben oui, moi je me sentais spéciale parce que je l'avais chez nous, finalement, je suis plus tant spéciale parce que tout le monde peut se l'acheter. Ben, en tout cas, au moins 3-4 personnes sur le plateau, parce que c'est là que je l'ai vu sur Saint-Denis. Mais sinon, on peut s'acheter la compilation sur Bandcamp, est disponible, je l'ai acheté là. Ah, effectivement. Et tu me dis que tu programmes un spectacle par année, c'est toujours à l'ESCO? C'est pas mal tout le temps à l'ESCO. D'où vient le choix? On dirait que c'est un choix par défaut. Cette espèce de fascination des fans par rapport à leur groupe qui aiment autant, je pense, à Roman qui anime Nous sommes les rockers, qui a amené Guantanamo Baywatch l'an passé, oui. Ou Jean-François Rioux qui amène Multiple Cat à chaque fois qu'il peut à Montréal. Tu sais à quel point tu te dis, il faut qu'ils viennent dans ma ville. Et cette fois-ci, qui se réanime carrément. Ah oui, ben oui. Non, c'était un coup de luck, là, en fait. Là. C'est un peu la chance que ce gars-là soit de retour à Montréal juste pour une courte durée. Mais le fait d'être fan fini de musique, ça m'apporte à faire des choses que j'aime pas, comme faire du booking, qui est quelque chose que je déteste, que je trouve c'est vraiment plate. Mais je pense que c'est plus la relation privilégiée que tu peux avoir avec les groupes à être DJ maintenant à l'ESCO et avant avec CISM. C'est comment ça a modifié pour toi ta relation avec la musique et les musiciens? Ben, CISM, ça a été une belle porte d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont utilisé pour faire la promotion de leur groupe. Mais en même temps, je me laissais utiliser parce que quand c'est des groupes que j'aime... disons que la passion vient des deux côtés, tu sais, je fais la promotion des groupes que j'aime et les groupes que j'aime me font la promotion, donc bref, c'est une belle micro-communauté, c'est un micro-climat que je dis, l'ESCO, tu peux demander, tu connais-tu une toune de Rihanna, quelqu'un de l'ESCO, il va faire, non, c'est personne, tu sais, on est vraiment détaché de la culture mainstream populaire. Et c'est beau, et même ça peut être intimidant pour certaines personnes de l'extérieur de l'ESCO. C'est ce que j'ai entendu dire de l'extérieur, que des fois, c'est comme, je sais pas, t'sais, ça a l'air tellement, vous avez l'air tellement unis, c'est comme difficile de s'intégrer dans le gang, blablabla, mais t'sais, moi je suis tout le temps là. Comment les acteurs sont aussi les consommateurs du lieu? Exactement, donc moi je suis toujours là pour vous accueillir tous les jeudis soirs à l'ESCO, je suis là à bras ouverts, puis je suis prêt à partager toutes mes connaissances musicales avec vous. Messieurs, dames, donc j'étais en train de me demander, parce que moi je suis arrivée aussi à CISM en 2012 pendant que toi t'es partie, fait qu'on s'est à peine on s'est pas en toute vue, non, arrivée et partie en même temps, fait je pense que c'est à cause de l'ESCO qu'on se connaît, oui. J'ai aucune idée pourquoi, juste le fait qu'on soit trop jasant probablement. Ben oui, moi je suis une personne extrêmement sociable, et toi Jolène t'es arrivée, Mathieu Beauséjour de CISM, non, mais je sais pas pourquoi tu me connaissais, parce que je te connaissais pas du tout. Moi non plus. Donc, t'as entendu parler de moi à travers les branches, parce que j'imagine que en 14 ans à CISM, il y a certains échos de ma personne qui ont circulé. Si vous voulez savoir, cher auditeur de CISM, le plus grand mythe autour de Mathieu Beauséjour est le fait qu'il était extrêmement retardataire. C'est pour ça qu'il est arrivé à l'avance. Oui, non, mais en fait, depuis que je suis plus à CISM, j'arrive toujours à l'heure. Mais il faut dire, la période où j'étais très retardataire, c'est pas mal la fin de l'émission, puis... C'est dû à mon manque d'intérêt pour continuer l'émission que j'arrivais en retard. C'est pas... Hey, quelle tristesse! Mais on sent que l'amour pour CISM est encore présent, sinon tu serais pas ici. Ben c'est ça, c'est parce que maintenant, étant donné que je reviens, maintenant, ça fait... Ben oui, t'as remplacé Roman à Nous sommes les rockers. Oui, en passant, les balados diffusion sont encore accessibles sur le site de CISM, cism893.ca. Fait que si vous êtes curieux de ces choix musicaux, allez-y gaiement. Exactement, la dernière émission de juillet et les deux premières de août sont disponibles, donc allez écouter ça. Je me suis fait bien du fun, parce qu'en fait, c'est facile de puiser dans mon ancien stock des éboueurs du rock, puis faire comme un espèce de greatest hits, un best-of des éboueurs, puis c'est ça, puis apporter une petite touche moderne, même si je suis très rétro comme personne. Non! Hey! Fait qu'on peut te voir parmi la crowd de l'ESCO les jeudis, les dimanches. Oui, tous les jeudis. Les dimanches, non. En fait, je faisais un remplacement, mais ça, on va en parler un peu plus tard aussi. Il y avait un spectacle de No Négatif que, contrairement au Tératologue, c'était sale comble. C'était sérieusement dimanche. Un dimanche. Mais il faut dire que c'est le dimanche qui était la veille de l'Action Grasse. Tout le monde avait congé le lendemain. Et la crowd... on va en reparler plus tard, là, mais la crowd était incroyable. C'est le genre de crowd qu'on veut avoir à l'ESCO. C'est une crowd qui venait plus de Saint-Henri et du Milan. Crowd qui vient moins souvent à l'ESCO, plus crowd anglophone. Et ils ont tous été agréablement surpris. Hey, on en reparle tout de suite après les chansons. Je décide ça de même parce que tu m'as trop teasé. On va tout de suite écouter Hidalg avec Crab, puisque c'est des groupes qu'on apprécie beaucoup. Et oui, Hidalg, en fait, dans la formation Hidalg, deux de mes cousins et mon petit frère, donc c'est très familial. Et Yuki aussi, qui était la copine de mon cousin, qui est le batteur Félix-Antoine pendant cinq années consécutives, qui s'est retrouvée dans toutes mes parties de famille. Donc c'est vraiment la famille, c'est vraiment Saint-Michel-des-Saints, ma terre natale, dans la Nadière. Et c'est ça. Ça, c'était le moment potinage de la marge. Et sinon... sinon, Crab, qui sont des bons amis à moi aussi, dont Martin Hoyck, Martin Poulin-Légaré, qui est le chanteur et guitariste de Crab, et également le guitariste de Hidalg. Donc, on a un petit pont spirituel ici. Et sinon, c'était aussi pour mentionner qu'il était en même temps en spectacle au Matari Loft durant le spectacle des Tératologues. Fait qu'on accuse que leur popularité a aussi eu une influence sur la crowd de l'ESCO. On vous revient plus tard sur cette critique-là, mais on va tout de suite en musique avec Hidalg et Crab. We'll be right back. vous venez d'entendre Hidalgue avec la chanson Demi-Serpent qui se retrouve sur leur album Post-Dynastie. Et vous avez aussi entendu Crabe, déjà bientôt la lumière sur leur album Le Temps File. Vous écoutez toujours Critique de Crowd qui est toujours en compagnie de Mathieu Beauséjour. Ben oui, il va nous faire une critique de Crowd de tout ce qui s'est passé dimanche dernier. Ça va l'air bien hardcore, fait que ça va être bien plaisant. Et Critique de Crowd des Tératologues. Tout ça après les publicités. À tout de suite. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de sa mère, des nids de poule et de tous nos... Bonjour, ici Émile Bilodeau. Malheureusement, je ne suis pas le fils d'Emmanuel Bilodeau, mais je vous invite quand même à écouter CISM. Restez là parce que c'est la radio la plus cool du monde. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichettes bières à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bières gratuites. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirées de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Amateurs de football, ce samedi 15 octobre, dès 14h, CISM vous présente le match opposant les Carabins de l'Université de Montréal aux Rouges et Or de l'Université de Laval. CISM 89.3 FM s'installe sur les lignes de côté pour vous retransmettre en direct la guerre de tranchées que se livreront ces deux équipes. Le Festival burlesque de Montréal et Scarlett James vous invite avec une joie immense à la 8e édition de cette fin de semaine des plus prestigieuses. 3 soirs, 3 spectacles, ateliers, cocktails de fin de soirée, tous les ingrédients pour un moment inoubliable entre amis ou en couple. 13, 14, 15 octobre 2016 au Club Soda. Billets et informations, montrealburlesquefestival.ca, Club Soda. Le glam est à l'honneur sur la scène comme dans le public, car vous aussi, vous faites partie du spectacle. Les Hey Babies sont de retour avec un nouvel album. Lancement gratuit et ouvert à tous le lundi 17 octobre à 17h au cabaret La Tulipe de Montréal. La quatrième dimension, version longue, disponible partout dès le 14 octobre. Cette semaine, dans votre quartier libre, déconstruisez les mythes autour de la médecine familiale. Apprenez les défis de la recherche dans le Nord auxquels font face les étudiants et découvrez de jeunes auteurs sur leur lancée. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier Libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Parler au téléphone, elle était bleue. Moi j'étais jaune, elle a glissé ses mots à travers l'appareil jusqu'à mon oreille. Toute chauve et sourire, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Le pique-nique est fichu d'une toile, une nappe arc-en-ciel. Mais je pensais qu'on... se fiche du vent, que le ciel coule sur ses dents, que le foutre s'en va, qu'il s'en va près du silence. Docile, égal et docile, fume le temps, les pavillons, les pavillons de choléra, de scène et de bride de gants, enveloppant le sang. Enveloppant le sang d'odeurs et d'heures de minus, paradant sur les temps, délecté par les hyènes, les fêles et les sonnets, en ostanéa, annonçant le beurre des glands, caressant le divan, le bidet du monde. Ses plans, à masser plaisantant, à décorer cendre, tout se sève devant les yeux, comme si heureux qu'il ne faut pas s'outorer de son mirage enlacé. Adorant la brise claire et les fontaines sous les ponts, en perdant mon temps. De retour sur les ondes de la marge avec Navet Confit, les Ghouls, deux groupes qui ont été bien inspirés par ce jour dominical. Ben oui, dimanche, tous les deux, c'est le titre de leur chanson qui se retrouve sur le LP 1 de Navet Confit et sur l'album Les Animaux des Ghouls. Vous écoutez toujours Critique de Crowd qui sort complètement de ses habitudes puisque, ah, je suis pas toute seule! Oui, ça me fait crier bien aigu parce qu'il y a Mathieu Beauséjour en studio avec moi. Bonjour, Crowd! Ah, chers auditeurs de CISM, on a une belle critique. Du moins, Mathieu, il m'a fait regretter de pas être allé dimanche dernier à l'ESCO. Et oui, effectivement, l'ESCO Griffe était en feu dimanche dernier, contrairement à jeudi, malheureusement. Non! Et, c'est vraiment difficile avec jeudi, on va revenir. Moi, j'ai eu de la joie de vivre dans oui, mon cœur. Oui, ben, moi aussi. Oui. On va revenir là-dessus. Mais dimanche, ça a été particulier parce que l'ESCO Griffe, c'est une capacité d'exactement 125 personnes. Et on a atteint le 125 personnes dimanche dernier. Pile poil. Donc, dû à l'Action de grâce, c'est la veille de l'Action de grâce, donc tout le monde était en congé le lendemain. Et dû au line-up incroyable de groupes qui étaient présents, il y a eu entre autres Steve Head, qui était une révélation pour moi. C'est un groupe anglais. Hey, ça te tente-tu qu'on écoute un extrait? On peut écouter un extrait immédiatement sur les ondes de la marge. C'est YSM, 93FM. The Crowd. Dans ma définition d'extrait, c'est pour vous donner le goût, mais juste vous teaser. Fait que, chers auditeurs, après ça, vous allez sur le Bandcamp. Elle se retrouve tout à fait facilement. Et oui, c'est une super formation. En fait, pour une formation anglaise, leurs influences étaient quand même très, très américaines. On reconnaissait un peu les Wipers à travers ça, les Replacements, des groupes que j'aime bien. Donc, ouais, c'est vraiment... mais pour la crowd, c'est vrai. Ben oui, mis à part être sold out, là, ben oui. Est-ce qu'on peut être sold out de l'ESCO quand on n'a pas de billets? Mais salle pleine, salle pleine. Salle pleine, salle comble. Mis à part qu'il y ait beaucoup de gens, quelle était sa plus grande qualité à cette crowd, Mathieu? La plus grande qualité de cette crowd était tout à fait superficielle, parce que c'était vraiment une crowd esthétiquement... Ben, en fait, c'est drôle que je dise ça en tant que mâle hétérosexuel parce que c'est composé à 80% d'hommes, et mais c'était des beaux gens. Donc, je veux dire, c'est surtout une crowd qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à l'ESCO, une crowd, comme je disais tout à l'heure, un peu plus du sud-ouest de l'île de Montréal, plus du quartier Saint-Henri. En fait, ils peuvent pas juste aller au Turbo House à un moment donné. Exactement, ben ou au bar de Courcelles. Oh, place que je n'ai toujours pas critiquée, là, ça c'est à suivre. Oui, ben oui, tout à fait, bar de Courcelles. D'ailleurs, j'ai été invité pour être DJ une fois et j'ai chié dans pelle, mais en tout cas, bref, c'est pour les mode club, les soirées mode club qui ont l'air incroyables, mais malheureusement, je travaillais ailleurs, donc double booking exige. Mais pour en revenir à ce spectacle incroyable, c'est Yvette qu'on a entendu, No Négative, Formation de Montréal, qui est de l'excellent label, Psychic and Shake, dont plusieurs personnes tirent les ficelles, mais je donnerais beaucoup de crédit à Sean Anderson, qui est de la formation Ultra Thin, ainsi que la formation Vomit Squad. Donc, Sean Anderson, qui est un icône du sud-ouest de l'île de Montréal, qui était dans le groupe qu'on appelait anciennement les Pirates du Canal de la Chine. Alors pour toi, je crois que l'événement marquant était la variété de crowd par rapport aux habitudes de l'ESCO. Tout à fait. Et d'avoir une nouvelle approche, un crowd qu'on aime avoir à l'ESCO, qu'on veut avoir, et aussi dont le son de l'ESCO, qui respecte entièrement le son et l'image de l'ESCO Griffe, dû au fait que les formations étaient excellentes. Puis aussi, on s'éloignait du garage francophone montréalais, parce que la vocation de l'ESCO, on se le cachera pas, est très garage psychédélique punk francophone, et on est très content de représenter cette portion francophone là de l'île de Montréal, mais on veut aussi avoir la diversité linguistique de Montréal. Et que de variété, ce sera le mot. Et sinon, est-ce qu'elle trash? Est-ce qu'elle s'énerve? Est-ce qu'elle body surf? Est-ce qu'elle se cogne la tête contre le plafond de l'ESCO, cette crowd? Ben, vous savez que la crowd de l'ESCO est quand même une crowd qui est quand même assez réservée au niveau... disons que ils respectent beaucoup l'éthique de Fugazi. Tu connais le groupe Fugazi? Oui. Est-ce que tu connais l'éthique de crowd de Fugazi? Je sais que tu vas m'en parler. En fait, Fugazi, c'est composé d'anciens groupes de Minor Threat. Et dans Minor Threat, il y avait beaucoup de Mosh Pit, Circle Pit, Stage Dive et compagnie. Beaucoup de gens qui s'éclataient des palettes. Oui, beaucoup de violence pour les Straight Edge. Exactement. Donc, il y avait beaucoup de gens blessés. Et Ian McKay, le chanteur de Minor Threat et de Fugazi, à l'époque de Fugazi, a dit « OK, ça va faire les trash ». Et à ce moment-là, les gens ont commencé à arrêter de trasher dans les spectacles dû à la bonne parole de Ian McKay, de Minor Threat et Fugazi. Et à l'ESCO, on respecte beaucoup l'espace des autres. Qui, en fait, surtout qu'il y a quand même un espace entre le bar et la scène qui permet de s'énerver, mais qui touche pas ceux qui veulent rester tranquilles. Fait que, ouais, j'approuve juste par la disposition de la salle, ça permet ça. Sauf que la source d'énervement est très individualiste. Et donc, à ce moment-là, on lève le poing dans les airs, on chante les paroles, on fait un peu de headbang, on saute un peu, on fait un peu de pogo sur place. Mais, tu sais, mon père m'a toujours dit une sage parole qui disait « La liberté des autres s'arrête là où... » Non, en fait, la liberté s'arrête là où celle des autres commence. Effectivement, il a repris des paroles connues, mais à l'envers. Oui, exactement. Ou c'était moi qui les ai interchangées. De toute façon, nos pères ont toujours raison. Je crois que ce sera la morale de cette critique de Crowd Chaser, éditeur de CISM. Hey, on va passer un petit extrait de No Négatif parce qu'on en parle en bien, mais on n'en a pas entendu. Allons-y gaiement. « Mais ce ne sera qu'un extrait pour pouvoir mieux continuer avec les tératologues. Ben oui, fait qu'avant d'en parler longuement, on va écouter une chanson 2 qui se retrouve sur la compilation Lâche et Lousse 2. Alors écoutons Talk Show. Bien d'entendre les tératologues, une chanson qui se retrouve sur l'album Lâche et Lousse, merveilleuse compilation, et je vous le suggère bien fortement. Et pendant que je m'entends plus parce que les écouteurs ils ont débranché, vous écoutez toujours Critique de Crowd qui a vraiment beaucoup de chance cette semaine avec la technique. Je crois que c'est le karma et je crois que c'est Mathieu Beauséjour qui fait en sorte que la technique est au rendez-vous. Est-ce que des fois toi t'as des problèmes avec la technologie? Toujours. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, karma, karma. Hey, la première partie des tératologues, c'était Ashtray Heart, que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si eux aussi sont un peu dans « Je fais des pauses et je reviens » de façon tout à fait spontanée en 2016, puisqu'ils avaient un album, un démo en 98, information que tu peux m'approuver. Oui, tout à fait. Ben, Ashtray Heart, ils ont quand même... Ils en ont fait plusieurs dans les années 2000. Moi, je suis un fan. J'en ai fait jouer souvent aux Éboueurs du Rock. C'est pas un groupe qui est vraiment actif. Ils font à peu près l'équivalent d'un spectacle ou deux par année maximum. Et en tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Moi, je suis curieux de savoir de qu'est-ce que t'as pensé d'Ashtray Heart. Oh, ben pour moi, c'était tout simplement une découverte. Et il faut quand même mentionner, la crowd est petite pour le spectacle à l'ESCO en ce beau jeudi soir de la semaine dernière. Petite crowd. Et sans connaître les gens personnellement, j'avais bien l'impression que ça avait l'air de leur copine, de leur amie. Il y avait un sentiment de retrouvailles dans la foule. Et quand je dis copine, il y avait une fille qui intervenait plus souvent que les autres. Et quand le chanteur y annonçait « Oui, c'est une chanson sur notre premier album », elle était tout le temps en train de dire « Ah! Premier album! » Est-ce que c'est le fait que leur premier album, c'est un inside joke, mais c'est revenu souvent dans leurs prestations? Ben, c'est que leur premier album est génial. Ben, en fait, je sais pas, toi, Jolène, t'as sûrement remarqué que les formations, leur premier album est souvent leur meilleur album. Puis ça commence à se détériorer à partir du deuxième et souvent le troisième n'est pas écoutable. Non! Donc, Mais c'est pas vraiment le cas d'Ashtray Heart. C'est juste que leur premier album était c'est tout simplement un classique inconnu. C'est dommage parce que en ce moment, le seul extrait que j'ai dans les studios de CISM, ben, c'est de leur plus récent. On va écouter Dad's Guns. Peut-être c'était la familiarité dans la foule, le fait que j'avais cette impression-là qu'il y avait, des amitiés, des amours, des connaissances entre les groupes et les spectateurs, qu'il n'y avait pas nécessairement une grande proximité entre le public et le groupe, parce que je suis toute seule en avant. Tu sais, à l'Esco, il y a le piano, il y a aussi cet animal empaillé, et il y avait moi et mes deux amis de crowd étaient les pieds de micro. Et c'est pas nécessairement les gens avec qui tu danses le plus, mais en même temps, je trouvais qu'il faisait pas mal office de crowd, puisque c'était on était trois à se tenir bien droit en avant du groupe, à dandiner, à danser, mais autrement, la crowd, elle formait particulièrement un V, et je sais que c'est juste un hasard, mais à la gauche, c'était les gars, puis à la droite, c'était les filles. T'as-tu remarqué ça, qu'il y avait une séparation gars-filles? Oui, tout à fait, mais je pense que c'est un syndrome de l'école secondaire, en fait. Les filles d'un côté, les gars de l'autre. La familiarité avec le crowd, c'est normal, parce que le batteur de Ashtray Heart et le batteur des Tératologues jouaient dans la même formation, une formation qui s'appelait Monsieur Toad, formation mythique québécoise des années 90. Donc, voilà. Et c'est ça. Tous ces groupes-là gravitent autour du même cercle d'amis depuis des années. Et c'est pour ça, cette familiarité-là. Et pour ce qui est de la crowd, j'aurais aimé faire office de présence dans la crowd, mais je m'occupais de l'éclairage à ce moment-là. Donc, c'est moi qui faisais flasher les stroboscopes et tout. Et l'éclairage. C'est le moment où c'est aussi compliqué pour Critique de Crowd. Ça fait seulement 4 ans, ou ça fait déjà 4 ans que j'anime sur les ondes de la marge. Et inévitablement, même pour des gros spectacles, il y a des crowds qui reviennent. Et à l'ESCO, ben justement, comme on en parlait, et comme c'est bien intéressant de t'avoir cette semaine, Mathieu, c'est de réaliser à quel point c'est un microcosme et à quel point les gens se connaissent. Et ça fait une différente interaction avec les gens dans la foule. Comme justement la fille qui rit à chaque fois qu'il dit c'est leur premier album, qui se permet plus de commentaires, qui leur paye des shots, qui leur amène aussi les verres d'eau. Ça, c'est important. C'est bon, l'hydratation. Mais surtout, cette fille-là, je tiens à le mentionner parce que je sais que j'ai un rire particulier, en tout cas à la radio, paraît-il. Mais elle avait vraiment le plus beau des rires parfaits de femme. Est-ce que tu l'avais spoté, Mathieu? Oui, je la connais très bien. Mais je suis pas capable. j'ai essayé de pratiquer chez nous, je vous le jure, crowd. Mais j'ai essayé de pratiquer pour l'imiter, puis je suis comme pas capable. C'est comme ha ha ha! Tu vois, un rire de femme, là. Ha! Mais non, j'ai pas encore ce rire-là de femme. Peut-être qu'avec l'âge, ça va venir, je l'espère. Ben, j'ai discuté à... En tout cas, je connais pas mal tous les individus du crowd par leur prénom et leur nom de famille. Et c'est ça, je veux pas... je veux pas blesser personne, mais je trouve que son rire est particulier. Puis c'est vrai que ça... Non, son rire est parfait, Oui. Fait qu'elle restera anonyme, mais Mathieu, qui retourne à job, il va être obligé d'y dire qu'il aime son sourire et qu'il aime son rire. Moi, je partage également l'opinion. On va continuer en musique, parce que dans la salle, il y avait les Fous Alliés, un groupe qui a beaucoup passé à CISM à l'époque. Alors, on leur rend hommage aujourd'hui en passant quelle chanson? On va écouter Captain Sam et tirer de leur premier mini-album ou EP qui s'appelle Bing Bang et Rentre Dedans. Ça s'appelle Captain Sam. Et voilà, vous écoutez le 89.3. Je tends une image. son rythme. Les gens étaient des nanas, leur qui font pendant son vie. Répandu sur le globe, manœuvre diverse pour l'humanité version. Aïe, aïe, aïe, quel bon moment musical. Allez, Mathieu, beau séjour, mon invité spécial de la semaine. Déprésente-nous donc ce Les Fous Alliés. Les Fous Alliés avec la pièce Captain Sam, tirée du mini-album Bing Bang et Rentre dedans. Et j'aimerais saluer Martin Paris, guitariste à formation, qui était présent au show des Tératologues et qui tripait sa vie, qui chantait toutes les paroles. Et dont j'aimerais name-dropper également mes deux grands amis qui m'ont accompagné dans la crowd, soit Antoine Parent, bassiste original des St. Catharines, ainsi que Sylvain Castillou des Erreurs et de Millimental Mistake. Ces trois personnes-là, à eux seuls, ont fait la crowd pour moi. Cet élément rassembleur de chanter toutes les paroles ensemble. Il faut dire aussi que la musique des années 80, le punk des années 90, c'est un punk assez boudé de la crowd punk. Parce que justement au pop punk, Epitaph, Fat Record et compagnie. Moi-même, j'ai cité souvent sur les ondes du 89.3 FM CISM que l'essence du punk même était située entre les années 1974 et 1983, qui sont selon moi les années prédilection du punk, et le punk intemporel qui vieillit super bien. J'ai remarqué que à travers les Tératologues, il y a quelque chose qui était un peu issu du passé, soit la chanson Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak, qui est une pièce cœur. Oui, encore d'actualité. Oui, tout à fait, mais qui est une pièce ska, et comme le ska est beaucoup boudé après l'engouement de la troisième vague de ska qui est arrivée au milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 90, et après les années 90, plus personne ne voulait entendre un style d'accord ska. Quoique, à être allée la semaine dernière au Festival Ska de Montréal, peut-être qu'elle n'est plus aussi nombreuse qu'à l'époque, la crowd Ska de Montréal, mais elle est aussi fervente, elle est aussi dansante. Des fois, c'est sans dire que la quantité, ça veut juste dire que c'est de la musique populaire, mais oui, dans le sens où il y a de la qualité, mais peu de gens, mais qui sont très solidaires, je trouve qu'il y a là-dedans un beau sentiment de communauté, et ça en est encore l'exemple, probablement, oui, pour les tératologues. Peut-être que toi aussi, Crowd, t'es allé fouiller dans ton dictionnaire pour savoir c'est quoi un tératologue. Ben, c'est le spécialiste de la tératologie, qui est la science qui a pour objet d'étudier les malformations congénitales. On va vivre le moment de malaise tous ensemble. Hey! Ce qui n'était pas du tout malaisant, puis à vrai dire, ça, c'est en jasant que je l'ai su. Le groupe était la formation originale des gens partant. Ça, c'est beau, une vraie réunion. À part le batteur. Presque. Mais qui avait aussi le costume original du chanteur. Oui. Autant d'années qui ont passé et est encore capable de le mettre et qu'il soit aussi beau et aussi frais à l'intérieur, je trouve ça incroyable. Et c'était son anniversaire en plus. Aussi! Il y avait beaucoup trop de choses en même temps ce soir-là. Et autre fin, si la crowd était un peu plus en V, un peu plus distante, mais quand même, ça applaudissait durant la première partie, durant les tératologues, on sent vraiment une écoute active. Les gens sont peut-être pas nécessairement plus proches, mais c'est fou comment je les trouvais plus interpellés, parce que non, tu ne vas pas à l'ESCO par hasard ce soir-là, c'était les tératologues. Quand je dis par hasard, c'est un peu drôle, parce que moi, non, je ne connaissais pas tant le groupe, c'était sans dire une découverte, mais c'est la première fois que je les vois en spectacle et que je réapprécie vraiment leur musique. Et pour les quelques jeunes qui rentraient dans la salle, quand je dis jeunes, ouais, ça veut dire qu'il y avait à peu près mon âge. Ils rentraient puis ils ressortaient. C'était pas des gens qui étaient là pour le spectacle, même si c'était gratuit. J'ai l'impression que comme show, ça avait, sans dire affaire à des gens qui étaient initiés à leur musique, mais qui avaient vraiment la volonté d'être présents et présents du début jusqu'à la fin du spectacle. Il y a pas tant de gens qui se sont ajoutés non plus. Mais quand ils s'ajoutaient, c'était... ça, c'est toi, Mathieu. C'est ça qui est drôle pour Critique de Crowd cette semaine, c'est que la Crowd est en studio avec moi. Mais Mathieu, il se pointe en avant, le poing est en l'air, pour pouvoir chanter les chansons, mais après ça, il retourne en arrière. Parce qu'il faut qu'il continue. Tu t'occupes encore de la lumière à ce moment-là? En fait, plus ou moins, c'est juste eux, les tératologues m'ont exigé de ne pas avoir d'éclairage, d'avoir l'éclairage le plus bright possible pour pouvoir les filmer. Et de deux, parce que le guitariste avait sûrement pas touché à une guitare depuis plusieurs années et avait vraiment besoin de regarder les frettes sur son manche de guitare. Ah oui, parce qu'il y a eu plusieurs fois mention par le groupe de blagues du genre qu'ils sont amateurs ou « Ah, ça va être meilleur dimanche » comme si c'était un coup de pratique à l'ESCO. Hélas, ni Mathieu ni moi n'étions au Fofoun électrique dimanche dernier. Alors, si tu écoutes ces ISM en ce moment, écris sur le Facebook de Critique de Crowd. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé au Fouf. Est-ce que c'était magique? Probablement. Je veux ta Critique de Crowd. Tu pourras nous la ramener. Et mis à part ces commentaires-là qui, oui, tendaient quand même à la blague, même si on sentait un gros fond de vérité. Pas le fait que soit amateur, mais tout simplement que, oui, ça faisait longtemps. 25 ans, je crois que ça compte dans « Ça fait longtemps que j'ai pas monté sur une scène ». Fac, c'est correct. Il y avait quelques éléments plus théâtrales avec la matraque, justement, accessoires, costumes. Ça a amené plus de participation de la foule. Je crois que c'est vraiment la chanson en soi qui faisait en sorte que tu avais envie de lever ton poing, d'être en avant et d'un peu plus t'exciter. Quelques chansons comme celle-là, justement, celle qu'on a passée tout à l'heure, Talk Show, qui a amené un peu plus d'énervement. Énervement pas tant dans le trash, il n'y a pas eu tant de gens qui se poussent en tant que tel, mais de danse un peu plus animée. Ça, je pourrais peut-être plus le constater. Et quand je dis on pourrait plus constater, moi j'ai dansé du début à la fin, ça compte plus ou moins. Hey! On va continuer tout de suite en musique. Et voilà! Je suis allé au garage et je n'ai rien appris. Y'en a qui disent que je suis fini. Mais moi je m'en fous car je joue en vie. Ils diront ce qu'ils voudront. Mais moi je suis Jean. Je suis gentil, je suis allé au garage et j'ai tout compris. Y'en a qui pensent que je suis maudit, mais moi je m'en fous car je suis ici. Ils diront ce qu'ils voudront, mais moi je suis gay. Ah, vous venez d'entendre, parce que je vous le gardais en surprise, les biberons bâtis. Puisque j'ai parlé de la compilation L'Âge chez Lousse 2, je me suis dit, écoutons un groupe qui fait partie de L'Âge chez Lousse 1. Non, ce n'est pas la chanson de la compilation. J'ai plutôt mis Je suis Gensty, qui se retrouve sur leur album Attaboy, on meurt. Et c'était aussi pour faire plaisir à Mathieu Beauséjour, oh, puisqu'il oui. aime le groupe. C'est un des meilleurs groupes post-punk québécois de tous les temps. Et d'ailleurs, Attaboy, on meurt, c'est plus une compilation qu'un album en soi. Ça réunit les démos cassettes de Attaboy, on déprime, puis Attaboy, on agonise. Mais qui restent quand même tous des biberons bâtis. Mais c'est des biberons bâtis. C'est l'œuvre de Bruno Tanguay, mieux connu sous le nom de Satan Bélanger. Et paraît-il que tu es un des rares à avoir vu les biberons bâtis en spectacle, le seul et unique spectacle? Tout à fait. Oui, il y a eu un seul et unique spectacle. C'était où? C'était à l'Alysée, à côté de chez moi. Ah! Oh! Et ouais, c'est ça. Il n'y a pas souvent de bons spectacles à l'Alysée. Malheureusement, je trouve que c'est une salle qui est vraiment sous-utilisée dans la scène underground québécoise, malheureusement, parce que c'est une très, très belle salle. Et mais c'est ça. Je sais pas. Puis c'est surtout à côté de chez moi, donc ça me prend un beau gros 10 secondes à pied pour y traverser la rue. Pour y aller. Hey! Je dis, Mathieu, je sais que tu vas aller fumer, oui, fait que je te souhaite tout de suite bye-bye. Et on va écouter les chansons du palmarès francophone de CISM. On va écouter Mauve et Gasoline. Merci beaucoup, Mathieu. Pas de problème, one love. Ah, bye-bye. Gasoline avec la chanson Ne m'oublie pas qui se retrouve sur leur album Brûle ensemble, 19e position du palmarès francophone. Et vous avez aussi entendu Mauve, 5e position avec la chanson Longtemps qui se retrouve sur l'album Coucou! Hey, critique de crowd! C'est pas parce que c'est pas en première partie de l'heure. Non, je ne vous ai pas oublié pour quelques suggestions de crowd et de spectacle, chers éditeurs de CISM, parce qu'on en parle, mais c'est bien beau aussi de la visiter en personne. Et peut-être que tu feras, tout comme moi ce soir, visiter le Festival Burlesque de Montréal. C'est au Club Soda du 13, 14, 15, 16. Et paraît-il que les spectacles sont participatif. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir de quoi ça va donner. Ah, surprise, surprise. Sinon, ce jeudi, c'est Les Passagers, le lancement pour leur album Eldorado. Ça se passe au Divan Orange. Vendredi, Sibyls, 8 Guitars, Field Mouse, Wild Honey à la Vitrola. Sinon, vous pouvez aussi voir USA Out of Vietnam avec Indian Handcraft, Biblical et Octoplot au Turbo House. Mais personnellement, vendredi, je serai à l'hémisphère gauche puisque, soit réalisé. J'espérais vraiment que Eric de Satire, feu émission à CISM, puisse présenter sa compilation et des groupes à Montréal puisqu'il l'avait fait à l'extérieur. Alors, ces choses résolu, ça se passe ce vendredi. Et comme groupe qui seront tirés au hasard, Rock'n'Roll, Television, Colors Fade et Pain Relief. Samedi, Plants and Animals au Théâtre Corona. Final bâton avec Ignition Riot, Carapace et Arf. Là, ça se passe au Quai des Brumes. Dimanche, si tu fais plus rap, Ty Dolla Sign avec Harser, qui est des posters, et Tommy Cruise seront à l'Olympia. Lundi, un autre lancement d'album et il va fort probablement très, très attendu de l'automne. Les Hey Babies, ça se passe au La Tulipe. Ça, c'est mon autre suggestion du lundi parce que ça me faisait rire. Sum 41 au Métropolis. Alors, si tu as encore l'âme, skate punk, vas-y gaiement. Mardi, On Airy, qui est un groupe de folk drink pop qui viennent de Paris, vont être au Divan Orange. Et mercredi, ça commence le mercredi et ça se termine le 22. C'est Akusma à l'usine C. Alors, si tu tripes, musique acoustique, électro-acoustique, c'est le moment parce que oui, c'est la 13e édition. On va continuer en musique avec la compilation justement de Satire. J'en parle, je l'aime. Fait qu'on va en écouter Les Ordures Ioniques avec L'Armatan. Et maintenant, est arrivé! Sa couleur, sa race et puis son dieu. Car ce n'est que la poudre aux yeux. Sa couleur, sa race et puis son dieu. Sa couleur, sa race et puis son dieu. Sa couleur, sa race et puis son dieu. Car ce n'est que la poudre aux yeux. Sa couleur, sa race et puis son dieu. Sa couleur, sa race et puis son dieu. We'll be right back. Fuck tout et la chanson Q, album bien attendu, fuck tout. Et c'est Critique de Crowd qui se permet de dire fuck trois fois pour présenter fuck tout. Et vous avez aussi entendu Ayatollah avec la chanson Dormir, chanson qui m'a été conseillée par Benoît Poirier, le directeur musical de CISM. Je le remercie beaucoup de me partager autant de bruit aussi mélodieux. Hey! Cette fois-ci, il n'y aura peut-être pas autant de name dropping et de gens qu'on connaît au Off the Jazz parce que, Critique de Crowd connaît peu encore cette foule d'amateurs de jazz qui est-elle assez présente à Montréal? C'était une question posée par un des auteurs sur le blog du La Presse. Peut-être était-il déçu du peu grand nombre de gens dans la salle au début du festival. Paraît-il que par la suite, c'était quand même assez plein. Mais personnellement, je suis allée au Dièse 11 vendredi dernier pour voir Hamshim, Kalfa et effectivement, c'était bien plein. Fait que je pourrais dire que est-ce que la scène se porte bien? Au moins, le Festival of Jazz, oui, s'en tire bien pour sa 17e édition qui a encore lieu parce que ça finit le 15. Alors, si tu veux peut-être faire un tour au Lion d'Or, Résonance Café au Dièse 11, Upstairs ou à la Salarossa ou au Jésus, gâtez-vous, crowd, parce que c'est bien simple, c'est bien agréable aussi comme ambiance. Quand je dis bien simple, dans le sens où, je sais pas, il y avait une variété de spectateurs où j'étais à Dièse 11. J'avais jamais fait de critique de crowd là-bas, mais je pense que je suis déjà passée par hasard rue Saint-Denis, là où on s'arrête. Surtout, il y a des spectacles comme à 3h l'après-midi ou à 18h plutôt. À 18h, puis il y en a un autre le soir. Alors, peu importe à l'heure que tu vas passer au Dièse 11, mais tu vas pouvoir avoir de la musique. Par contre, question disposition, ça peut être quand même difficile, question crowd. C'est comme dur à expliquer. Il y a vraiment une section au fond, il y a une partie en avant, puis c'est un peu sur la longueur. Je crois que le Dièse 11, dans le fond, c'est un énorme T. Et la scène est, ouais, en diagonale de l'entrée, fait que c'est quand même assez facile, si on va dans le fond de la scène, de la salle, de rien voir. C'est un peu absurde d'une même. Ouais, parce que quand je suis arrivée, c'était plein. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, où je vais pouvoir me placer? C'est toujours un peu difficile, mais non. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis la chanson « Cul de fuck tout ». La seule place qui restait proche de la scène, c'était à côté du cul du drummer. Et ça, c'est drôlement vulgaire dit de même, mais c'était littéralement ça, OK? Pour l'avoir vécu, c'était la seule table. Je me suis dit, je vais être bien installée, tout le monde est assis. Ben, au courant de la soirée, il y a des gens qui étaient debout parce qu'il n'y avait vraiment plus de place. Mais autrement, je me suis dit, je veux profiter de ma soirée, je vais prendre la dernière place assise à côté des fesses du drummer. Je crois que c'est pour ça aussi que c'était la place boudée dans toute la salle. Parce que la scène est basse. C'est quand même, oui, c'est très intime comme lieu. Et c'est un sous-sol, le plafond est bas. J'ai une proximité très, plus que grande, là. Oui, c'en était, je vais le dire, c'était quand même gênant. J'ai assumé la place où j'étais, mais un peu plus, je me sentais comme dans le groupe. J'aurais quasiment pu participer tellement j'étais proche. J'étais plus que proche. Il n'y avait même pas de distance, c'était incroyable. Incroyable aussi, la réception. Ça, j'ai trouvé ça drôle pour une non-initiée au jazz. C'est le moment où la foule applaudit et de façon massive et générale. Tu sais, c'est assez égal l'applaudissement, mais de façon spontanée. Comment tout le monde s'est donné cue pour tout le monde applaudir en même temps? À quel point tout le monde a été fasciné par la prouesse technique du trompettiste? J'avoue que ça m'échappe un peu. Le fait que c'était une communication non-verbale dans la foule, mais comment elle était unanime et, ben, relativement sporadique, tu sais, c'était pas tout le temps en train d'applaudir. C'est arrivé 3-4 fois durant la soirée. Et toute la soirée, oui, ils ont joué en deux parties. Ils ont dû jouer au moins 2 heures. Fait que je trouve ça quand même surprenant, cette espèce de lien entre la foule, puisque les gens étaient venus en couple, entre amis, beaucoup de couples. Et je pense qu'il y avait même des bébés couples. Oui! Il y avait un jeune couple juste à côté de moi, tu sais, qui ont des discussions de on s'aime, mais en même temps, on se connaît pas encore beaucoup, à côté de des habitués de jazz, mais aussi des vieux routiers de la vie et de l'amour là-dessus. Oui, c'est pour ça que je me dis que le Half Jazz doit quand même bien se porter parce qu'il y avait une variété dans l'âge. Non, contrairement aux préjugés, il n'y avait pas juste des têtes grises. Et même qu'il y avait une fille au bord, sans dire qu'elle avait des grands élans de danse, elle avait une certaine rotation des hanches qui donnait l'impression que oui, elle dansait et elle s'amusait. Mais dans son visage, clairement, elle s'amusait. Alors, tout simplement, pour finir, oui, en jazz, et pour encore une fois parler que j'ai passé le show à côté d'une paire de fesses. Ça a pas de sens. On va écouter Benoît Paradis Trio avec la chanson Q. Je m'appelle Jolaine Ruet, j'anime Critique de Crowd, et merci beaucoup d'écouter CISM. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir passé à la station. C'est fort sympathique. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Vas-y, fais-nous ton show, fais-nous